il y aurait bien une ressource, dit-il. Mais c'est bien chanceux. Oui, Crevel est à couteau tiré avec sa fille. Ah, il a bien de l'argent, lui seul pourrait. Tiens, Hector, il vaut mieux que ta femme périsse que de laisser périr notre oncle, ton frère et l'honneur de la famille, dit la baronne, frappée d'un trait de lumière. Oui, je puis vous sauver tous. Oh mon Dieu, quelle ignoble pensée! Comment a-t-elle pu me venir? Elle joignit les mains, tomba sur ses genoux et fit une prière. En se relevant, elle vit une si folle expression de joie sur la figure de son mari que la pensée diabolique revint. Et alors Adeline tomba dans la tristesse des idiots. « Va, mon ami, cours au ministère !» s'écria-t-elle en se réveillant de cette torpeur. « Tâche d'envoyer un commissaire, il le faut. Entortille le maréchal. Et à ton retour, à 5 heures, tu trouveras peut-être, oui, tu trouveras 200 000 francs. Ta famille, ton honneur d'homme, de conseiller d'État, d'administrateur, ta probité, ton fils, tout sera sauvé. Mais ton Adeline sera perdue, et tu ne la reverras jamais. Hector, mon ami, dit-elle en s'agenouillant, lui serrant la main et la baisant, bénis-moi, dis-moi adieu. Ce fut si déchirant qu'en prenant sa femme, la relevant et l'embrassant, Hulot lui dit « Je ne te comprends pas. Si tu comprenais, reprit-elle, je mourrais de honte, ou je n'aurais plus la force d'accomplir ce dernier sacrifice. »